Ah tiens, bonjour. Vous êtes amateur de musique poche? Connaissez-vous? DJ Georges Hebdo. Pour écouter le meilleur du pire de la musique, allant du kitsch sympathique à l'atroce intolérable. Des vidéos, des chansons complètes, des extraits commentés, tout ça et bien plus encore avec votre DJ préféré sur les ondes de douteux.tv. DJ Georges Hebdo. Le mardi à 19h30, DJ Georges, enfin seul dans son sous-sol, peut faire jouer ce qu'il veut sans risquer de se faire interrompre à tout moment par des gens. Qu'est-ce que... Non, mais là, c'est parce que je suis en train de faire la pub. Je t'avais parlé de ça tantôt. Rajoute des couleurs, j'irai te voir après. Oui, c'est ça. Sans risque de se faire interrompre à tout moment. Pardon. Vingt années se sont écoulées depuis la fin de la guerre atomique. L'Europe, l'Afrique et l'Asie, jusqu'au haut plateau du Tibet, sont sous la domination de la monarchie des oracles. C'est cette puissance qui a déclaré la guerre au reste du monde et qui prétend l'avoir gagnée. La surface du globe a été réduite en un désert putride et radioactif, habité de survivants plus ou moins contaminés. Les bombes atomiques ont provoqué d'horribles transformations génétiques. En particulier depuis 10 ans, la stérilité est générale. Il n'y a plus une seule naissance sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'on se fout, les descendus sous les stars d'Académie? Sommes-nous des doutants du temps doux, vacants dans les chanchous, les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, et des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh! Oh! Oh! Question de réponse bidon, pas de mouille, rien de méchant, pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doute à nu. Vive le vin douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Fabuleux, c'est notre bon ami Edgar Bory qui nous a fait une chanson thème il y a quelques années. Tommy Godette au micro, vous voyez, c'est mes deux compadres pour commencer le show de bonne manière. On parle bien entendu de Andy Jacques et voilà, c'est aujourd'hui tu prends le rôle de chroniqueur. Andy, tu vas nous parler de quoi? Ben là, il manquait dans le fond deux chroniqueurs à voler leur job. Il manquait Mathieu puis il manquait Étienne. Étienne, j'ai un peu peur, là, je le garde pour la fin. C'est moi, ça. Ah, puis il y a Simon aussi, Dieu. Mais Dieu aussi, je me le garde pour la fin. Là, j'hésite entre Dieu et Étienne. Fait qu'à soir, tu nous dis que tu vas voler la job à Mathieu. Oui, à soir, c'est la job à Mathieu. J'ai demandé à ma fille. Ma fille m'a fait un beau dessin. Vraiment un beau dessin. Je vous présente ça tantôt. Puis je vais vous parler des élections. Puis je vais vous parler des maudits étudiants que je t'ai écœuré des entendre parler. Écœuré des étudiants. Écœuré des étudiants. Ça te pousse à bout, les étudiants. En tabarnak. Et puis sinon, ben, on a Dijon Forest. Moi-même. Du Georges. Qu'est-ce qui se passe de bon de par chez toi? Eh bien, ça fait 2 semaines que je suis pas venu ici. Ouais, je sais. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait DJ Georges Hebdo non plus. Puis je reviens en force cette semaine. Donc aujourd'hui, j'ai en fait des restants de camping. parce qu'il y a eu le Noël du campeur il n'y a pas si longtemps qu'on a fêté tous ensemble. Et puis, j'ai été surpris moi-même par quand même la respectable quantité de chansons ayant pour thème le camping. Moi, j'en connaissais que deux. Puis en fouillant dans mes archives, j'ai trouvé plein d'affaires. Donc, je vais vous faire découvrir ça. J'ai quelques tunes de Noël aussi que je suis pas capable d'attendre à Noël pour vous les passer. Fait que ça va aller dans Noël du campeur. Des restants de Noël du campeur. Des restants de Noël le du Boxing campeur. Day du campeur. Et voilà. Ça continue comme ça là, jusqu'à la Saint-Valentin du campeur. Jusqu'à la Saint-Valentin. Merci. Ouais. Ça, c'est... Et quelque part avec la rentrée des classes. Le 15 septembre. Le 14 septembre. C'est ça. Voilà. Du campeur. Du campeur. Campeurs sont des gens très spéciaux. Donc, voilà. Et puis demain, retour de DJ Georges Hebdo, tant attendu, avec un spécial prénom. Manquez pas ça. Ah, oh, boy. 19h30. Fait que t'entends définitivement Noël demain. Là. Ouais, là, c'est fini. Là. Ok, c'est assez. Faut passer au travail. Et puis, moi, je suis ici à la caméra dans le noir, en fait, à la console, et content de vous signifier que le film qui a été voté cette semaine, c'est Rage to Kill. C'est un excellent classique de la chose. Rage to Kill, qui est un film américain tourné par des Américains en Amérique. Non, dans la jungle du Vietnam, machin. Ils appellent ça le San Elron. Vous allez voir, c'est un film très, très crédible. On est à -8.5, les vraies valeurs, les vraies affaires. J'ai deux métaphores pour vous en commençant, parce que j'aime tout le temps ça, lancer des... Tu sais, c'est comme mon petit éditorial, on va dire, là, parce que Bruno est pas là, là. Mais bon, j'ai métaphore numéro 1, la marche est une chute vers l'avant contrôlée. Et métaphore numéro 2, un système vivant est un système capable de se remettre en question. Hein? Bon. Enfin, on a des élections. On les aura attendues encore plus que le coyote qui pogne le Roadrunner. Moi, j'ai entendu Amir dire dernièrement nationalisation des ressources. Alors, j'ai été convaincu. Ça m'apprenait pas bébé plus. Je sais de l'intérieur aussi que Québec solidaire discute avec Option nationale pour la suite du bon fonctionnement. Fait que la gauche est comme en train de s'arranger. Fait que, tu sais. Bon. À noter que le programme de Québec solidaire a commencé à être écrit en 2006 et que c'est pas terminé car sont invités tout le monde à la rédaction du dit document. J'ai ça de la bouche de Andrés, le candidat dans Laurier-Dorion. À mon sens, c'est ça la démocratie. Si on peut pas avoir de premier au Québec, à la place d'avoir un premier ministre, on pourrait comme avoir un parti, puis que là, ça pourrait peut-être remettre le feu à des motivations. En tout cas, anyhow, moi, je vous dirai pas pour qui voter, c'est pas mon genre. Je vais vous dire plutôt pour qui ne pas voter. Les libéraux, plein le cul du néolibéralisme, la CAQ, plein le cul du néolibéralisme, et le PQ, plein le cul du néolibéralisme. J'ajouterai que j'ai appris lors de la cour du roi Pato en mai dernier, de la bouche d'un militant impliqué au PQ, qu'aucun des gros morceaux du PQ était encore souverainiste. Ça s'explique facilement du fait que ce sont maintenant des carriéristes de politiciens, des politiciens de carrière, et que le changement pourrait les forcer à changer de carrière, soit vendre leur chalet, déménager de leur luxueux manoir ou vendre une 500aine de paires de souliers. Puis ça, faut pas que ça arrive. Mais non. Non. Donc, on a un gros show de 70% aujourd'hui avec toutes sortes de vedettes, toutes sortes de choses spéciales dont Célia à la caméra et FX en stand-by ici. Moi, je vous commence ça avec une chanson que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas entendue. C'est quelque chose de particulier, de différent. C'est quelque chose... que je vais peser plus. C'est comme un des rares bands qui a pogné plus, un band français qui a pogné plus au Québec qu'en France. Il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on écoute ça, c'est Madame, où est passé Roger? Ah, c'est un classique. Il est passé où? Pas de réponse encore. Non, hein? J'ai Ahmed Boriginec, Julie Saliza Zouzoé, Piero Polo Placido Mario, Blacky Sissi Toto Momo, Johnny Jackie Peter Helmut, Lichu Lulu Toshiro Luciano, Adolf Rudolfi Rudolfo, Meme. L'atmosphère avait complètement changé. Tout le monde avait trop bu. Alors tout le monde s'est mis tout nu. Et on a commencé à jouer. de solitude accorde sur la meilleure façon de jouer. Mais arrivé, personne ne l'avait reconnu. Il était complètement barbu. En fait, Roger, c'était Jésus. Et il parla ainsi. Cette soirée est le jugement dernier. Les premiers seront les derniers. J'espère que vous avez compris. Ainsi soit-il. C'est le fun, hein? Ils font des affaires ensemble, le mari et sa femme. Ta boire, hein? Testent la vitre par balle que ben, le c'est un mari peu, a faite. Ouais. C'est un peu comme l'exercice de tomber dans les bras de l'autre, là, par en arrière. Là, ouais, faire confiance. Ouais, c'est de faire confiance à du matériel. C'est ce extrême, par exemple. C'est ça. La version est extrême de ça. Extrême. Au lieu de juste. As-tu vu dans les yeux du monsieur? Assis, le monsieur, il avait l'air de vraiment. Ah non, c'est un fantasme. Hein? Ouais. Sa femme. Christ! La tabarnak! Non, mais on teste la vie, on teste la vie. C'est ça. Je t'ai entendu écouter du groupe Tazar tantôt, ça sera pas ça, toi, c'est Noël du campeur. Non, c'est ça. Le groupe Tazar, c'était juste en passant. J'ai remarqué quelqu'un sur Twitter nous avait envoyé, en fait, c'est Laurent Lassalle qui nous a envoyé sur Twitter un vidéo du groupe Tazar qui lance un tout nouveau concours. Là, si vous vous inscrivez au groupe Tazar, vous avez une chance de gagner une croisière d'une semaine. T'es malade. Hein? C'est fou, là. Les moyens qui sont. C'est qu'ils pognent leur. En tout cas, ouais. Ben, peut-être pas acheter encore parce qu'il n'y a pas de date de tirage. Puis. je dis ça, là. Mais... Ils demandent 100$ à chaque personne. Puis là, il paraît qu'il va y avoir plus de détails plus tard, du genre, si tu restes tant de temps sur le site, tu vas avoir tant de chances de plus de gagner. Ça, c'est les mots exacts des termes ça. Du concours. Donc, c'est un peu flou encore. Donc, en attendant que vous allez vous inscrire et que vous passiez tant de temps sur le site, moi, avant de starter le Noël du campeur, j'étais allé au lac Saint-Jean la semaine passée, comme on aimait appeler le lac Hain-Hain. Mm-hmm. Puis, j'ai fait de la route. Puis, sur la route, j'essaie tout le temps de trouver des chansons appropriées à écouter en chemin jusqu'à temps que ma blonde... Pauvre famille. Pitch mon iPod dehors par la fin. Donc, j'ai redécouvert une toune de Manon Bédard que j'avais oubliée. J'avais downloadé à un moment donné son dernier album. Ben oui, parce que Manon Bédard, moi, j'achète ses disques à chaque fois qu'il en sort un, c'est-à-dire, ça fait trois fois. Puis, il y a eu une longue, longue pause dans la carrière de Manon. Puis là, elle est revenue en 2009 avec un nouvel album. Fait que là, j'avais downloadé ça. Puis finalement, j'ai été très déçu de découvrir qu'il n'y a plus de yodel. Donc là, ça devient juste une chanteuse Manon country Bédard, générique. Pas de yodel. Ouais, plus de yodel nulle part sur le disque. Donc, je ne recommande pas, excepté une toune qui s'appelle « La 20 » et où elle décrit son voyage sur l'autoroute 20. C'est très touchant. C'est country. Ah ben oui, country. Mille 300 denis de poule. La tank est à moitié full. Ça fait 8 heures que je roule au secours. Faut prendre son mal en patience, on avance. C'est long des fois à rouler. 1300 de forêt. Prochain arrêt Martinet, où l'oiseau ne dort jamais, c'est tout près. Le fleuve déjà se détend, tu m'attends. On a l'arrêt d'eau Martinet aussi. Oh, elle puis Manon Bédard sont de même. Sainte-Lalie, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières, comme une prière. On va-tu toutes les nommer? Oh, tout le long de la grande rivière, la vin, c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. Voilà. La 20, c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. Moi, je suis passé par la 40. Fait que là, j'avais dit, la 40, c'est comme mon père... Je me rappelle plus. On s'amusait à trouver des affaires, t'sais. Mais voilà. Fait que la 20. Et moi, ce que j'ai, déjà dès le début, quand t'as fait rimer 1302 nids de poule avec tank à moitié full, j'étais conquis dès la première. Ouais, ouais, c'est vrai que ça commence fort, pareil. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'est la seule toune, selon toi, qui vaut la peine sur le dernier album de Manon Bédard. Ouais, c'est la seule. Fait mais elle a pas yodelé, là. Puis c'est ça. Le reste, allez chercher plutôt ses autres. Ben, moi je pensais, tu disais sauf une, dans le sens qu'elle yodelait encore dans une. Non, il y a aucun yodel. C'est fini, Lyodel. Manon Bédard, c'est plus Manon Bédard. Là. C'est juste une c'est comme quand Metroid est devenu un first-person shooter. Exactement. Calice. C'est ça. Dénaturé, man. Bon, sinon, il va dans le camping. Ben, le camping, les tonnes de camping, ce que j'ai remarqué, c'est que ça revient en deux grosses catégories. Il y en a qui rient du camping, puis il y en a qui font l'éloge du camping. Ceux qui font l'éloge sont généralement plus country, étrangement. Voilà. Fait qu'on y va avec, déjà, Rock la rue. En 1993, qui nous a fait le campeur diplômé. Fait que lui, il rit tant que ça du camping en tant que tel. Il rit plutôt d'un style de campeur. Vous allez voir, là. Je pars ça, je sais pas. J'ai des belles images du camping Sainte-Madeleine. Ah, il est beau, hein? Ah, ça me... C'est qui est beau, lui. C'est chez moi, ça. Check ça, quand c'est moi, même, quand je suis petit. Je pas ça. Parce qu'il va dans l'eau. Oh. Ma carabine, ma canne à pêche, mon trail bike pis ma caisse de vieille. Je m'en vais faire un trip harmonieux dans la nature de mes aïeux. Mon skidoo, mon quatre roues, mon hors-bord, le kit de camping dans mon char. C'est bon ça. Ça, j'aime la nature. Plus que je pollue, plus ça me rassure. Je suis un sauvage qui vient de la ville. Je suis un homme de la forêt. Pourquoi t'es mythe, Plume la Traverse? De la forêt! Ben oui, la forêt! C'est vrai que ça sonne Plume, effectivement. Un vrai débile. Je suis un campeur diplômé. Je loue mon terrain à l'année. Je fais cuire des steaks sur mon charcoal. Voilà, donc c'est pas mal ça le ton principal. Donc il fait une imitation de Plume en ridiculisant un peu les gens qui se pensent pour des hommes des bois, mais qui vont dans le fond dans un terrain de camping aménagé. À côté de la vin. À côté de la vin, voilà. La vin, c'est comme ma sœur. Hein? Je la connais par cœur. Ma sœur, je la connais pas par cœur tant que ça. Non, ouais, c'est. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah, mais ils sont bonnes à date, tes tournes de camping. Ouais, ça fait peur. Hein? Ben, ça, check bien le retour. Permets-moi de démolir ma moyenne en passant à Ginette et Raymond Lavoie. Juste leur nom. Ouais, tant que toi et ta moyenne que ça se passe, mon gars. Ginette et Raymond Lavoie, c'est le couple roux du country québécois. Parce qu'ils sont tous les deux roux, puis Raymond, il a des faves de Wolverine, mais roux. Okay. Mais en fait, c'est pas un couple pour vrai, c'est des frères et sœurs peut-être qui se connaissent par cœur. Oh. Donc, eux autres, ils nous chantent ici « Les campeurs ». y en a une, c'est l'auto de vin de l'autre. Surtout. Surtout. On peut aller au... On se promène. Je sais pas. Au fond, on est un peu bohème. D'où la routine, ça nous chagrine. Voir du pays, c'est... Elle est moins bonne que les autres. Ouais, c'est quand même plus générique. Hein? Ah, c'est ça que tu fais à ta moyenne. C'est ça. Un peu partout, on... It's the brew. Ah oui, Bruno Corbin qui entre en studio. La vie est belle, c'est merveilleux. Hein? Alors, ouais. Bruno est arrivé sur les notes de country. Oui, monsieur. Ça l'a appelé. Tout beau, tout fier. Ça, Ginette et Raymond, c'est ça que ça a l'air. Ça qui se promène en bohème dans un camping à l'année. Ouais. Puis ça, en fait, c'est assez représentatif de toute leur œuvre en général. Puis en même temps, c'est représentatif de toutes les tunes sur les campeurs qui n'en rient pas du camping. Vous allez voir que ça... OK, OK, tu veux dire, mettons, pour faire l'éloge du camping, il y a un patron qui existe. Qui est déjà conçu. Ben, il faut que d'aller chercher ça. C'est, ça, c'est la ritournelle. Ben, voilà. Pas, c'est de... Ouais, puis c'est... Tu mets quelques mots d'intro, puis voilà. C'est ça. C'est de l'énumération de ce qu'on fait de le fun au camping. T'en mets-tu une petite dernière? Après ça, on va mettre un clip pour laisser la chance à notre ami Pat Brown de venir s'asseoir. Tout à fait. On va y aller avec... on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Gilles Gosselin, qui nous fait la chanson des campeurs, entre parenthèses, Samba. Oh, puis vous allez voir que lui, apparemment, on ne l'avait pas informé là, qu'il y avait un patron à suivre. Lui, ouais, avec le petit solo d'or. Ouais, l'or de sous-sol de Brassard. La fin de semaine est arrivée. Puis je te dis qu'abuse du démo de drame. Hein? Ouais. Vers un autre festival et retrouver les amis. Deux ou trois, bien plus encore. La caravane est partie. Ils écoutent de la musique. Ensemble, c'est spécial. Ils ont bien du plaisir. Oui, et les motorisés. La joie de vivre. La liberté. Salut les amis. Et les voilà. On recycle le Fernand Gignacisme. Ce que je trouve, c'est que j'aurais pu probablement créer cette chanson-là en mélangeant, tu sais, quand je faisais des mélanges, mélangeant une toune de Willy Lamotte et une toune de Fernand Gignac, je serais probablement abouti à Gilles Gosselin. J'avoue. Avec une sécheuse. Hey, moi là-dessus, Étienne, je te dis merci bien gros, c'était tout le temps un plaisir de te revoir avec nous. 70% n'existe qu'avec toi. Mais sinon, plus loin que ça, il y a notre ami Bruno, et je suis très content qu'il arrive présentement parce que la semaine passée, on avait l'intention de lui faire écouter ça. Donc, Bruno, pendant qu'il s'installe, ici, on a Ma peau. C'est un documentaire de Éric Lapointe dans le temps qui faisait pitié. Mais heureusement, c'est fini. Là, c'est le lancement de son album Morve 4. Là. Fait que, installe-toi pendant qu'on souffre ça. Est-ce qu'il peut se finir? C'est la dernière note de la musique, ça se peut faire. OK. Sous sous mes pieds. Okay. Donc ici Éric Lapointe se plaint. Ouais, mais on l'aimait, je l'aimais moi aussi. Sauf que échappe. Puis là j'ai essayé, j'ai parti quelque chose en frappe, échappe, c'est tout ça. Mais là ça faisait comme à un moment donné, t'avais l'air de sacrer de voler. Puis je pas ouais, sûr. Mais si mettons t'as des mots. C'est un... OK, disons que c'est les remords qui brûlent par en dedans. Oui, ça c'est correct. Les remords. OK, puis des mots qu'on hurle. Ah oui, ben oui. Des mots qu'on hurle, méchamment. Comme des OK, c'est bon. Des remords qui brûlent par en dedans. Des mots qu'on hurle, méchamment. Comme des coups de feu, de temps. Tu m'as cru et j'ai su qu'elle était faite pour te maudire. Tu m'as cru et j'ai su qu'elle était faite pour te maudire. Plus je te regarde, plus j'entends tes rêves. Si je veux ramper ou j'en ramperai, Peux-tu me mettre le premier chorus? Ben, c'est ça, ça a sorti du premier chorus. Plus j'y mords encore plus fort, je creuse la mort, je me perds dans tes cheveux, je me saoule dans tes yeux, même si le diable m'en veut. Copy it to the seventh bar. Can I hear that? Three, four. Section B3 was fucking good. It was really, really, really good. Le change, c'est ça sur le 4. Il y a comme la note de passage est sur le 4. Fait que pas obligé de le faire à tous les coups, mais si tu veux le faire, c'est un de ces fois. Non, ça, justement, je trouve ça très cool là, d'appuyer ça. C'est ça, moi, je pense, c'est d'accentuer les gros coups. Puis même mettre des passes. Ah, sacré Eric, hein? Moi, ce que je ferais, Eric, là, c'est qu'on vient de faire les affaires comme... Sans trop l'en mettre, mais quand on moi, je fais ça, moi. Ah, c'est bon, ça. Oui, comme si on avait un chef d'orchestre qui frappait. Il va chanter, là. Il va bien chanter un moment donné. J'ai assez hâte. Oui, Eric. Ce serait bon, ça serait que tu dises qu'est-ce que les morveux font, là. Ils se mordent. Tu gagnes? Non, ils se mouchent. Ils se mouchent? Quand les morveux se mouchent. Ça serait bon, une tonne, ça, man. C'est cœur, hein. C'est sûr, hein, pas dans cet album-là, mais le prochain, là, c'est sûr que je le mets. Oh! Check les petits bras. Ben oui. C'est beau. C'est que pour jouer du drum, faut frapper. On rappelle que Fred m'avait acheté 197 cents. Au départ, le prix qui était suggéré pour l'objet, c'était de 16,99, mais avec le temps, ils ont rajouté des stickers. J'avais une bonne épaisseur de stickers et on était à 97 cents. C'est merveilleux. Ils rentrent dans leur argent banné. Sûrement, ça coûte pas cher, du plastique. De toute façon, il est riche, lui. Ouais. Ils s'en fout, il fait plein d'argent. Il fait ça pour son public. Ouais, il fait ça pour son public, quoi. Vraiment pas ça pour payer ses dettes de drogue, là. De jamais. Non, non, il y en a plus. Nous autres. Il y en a plus de dettes de drogue, lui. Il y a un enfant, pis tout. Ah ouais, il est clean. C'est lui qui a avant, c'est un peu c'est lui qui a fait. Avec, une bonne track, ça. Avec l'amertume. Si j'aime ça, c'est pas de le... Balle dans la tête. Hey, balle dans la tête. Un accent. Chante. Un accent plus prononcé sur belle pour vraiment pas que ça sente balle. Okay. Oh. Si on se fait encore un tiers aujourd'hui, il nous reste à peu près 5 minutes. On lâche pas. On a dit qu'on faisait un tiers chacune des fois. T'as manqué le premier tiers, Bruno. Il y avait les meilleurs bouts. C'est vrai, ça. Mais peut-être, ça va peut-être nous surprendre. Dans le corps. Et qu'est-ce? Oh boy, hein, ça c'est de la belle harmonie vocale. Chante toujours sur moi. Qui ça chante avec lui? Le moi, tu le fais trop de. Trop français. Trop de nez. Ouais, il n'y a pas assez de voix, il n'y a pas de corps. Pas assez de gorge. Il n'y a pas de corps. Trop de notes. Pas assez de thorax. Trop de nez. Fais moins de notes, plus des bruits. Écoute. Toujours sur moi. Tu es capable de souffrir plus quand tu as fait. On dirait qu'il meurt. Tu veux que je chante exactement comme toi dans le bon genre. Tu veux pas te faire tes propres tracts. C'est Star qui est en train de. Parce qu'il va lui demander la même affaire. Je trouve que tu chantes trop aigu. Faudrait que tu chantes plus bas. Tu chantes plus blanc. Plus blanc que blanc. Ok, je quitte cette émission. Tu le fais trop noir. Ah, come on. En noir et blanc, ça fait plus vintage. C'est vrai, ça? Oh, on la voit plus, elle, par exemple. Oh! Je crève dans mon désert, tu sais, mais vous autres, tripez, je suis là pour vous. Ouais, pour vous filer d'émotions, mais je crève à votre place dans le fond. Tu sais que le solo, tu sais, juste, ouais, ben, sincèrement rentré sur du single note. Ok. Rentré sur. Je pense que son vrai nom, c'est Stéphane Lamontagne. Fait que t'as le bout. C'est pas Stéphane Collin. Le bout majeur, ouais, ça serait trop beau. Wow, on va en parler tantôt. Ok. Chante! Oh, le visage de mes douleurs. Dans l'ombre, on dirait qu'il taponne son pénis. C'est très phallique comme ça. C'est gare. Es-tu rendu là, genre, c'est ça qu'on. C'est là qu'on va regarder ça jusqu'à la fin, là, Tommy? Ouais, jusqu'à la fin, au complet! Non. Le but, c'est de l'écouter en trois émissions. On a écouté le premier tiers la semaine passée, alors que plusieurs étaient absents. Et cette semaine, je suis très content que vous puissiez savourer Étienne, Bruno. J'aurais pu commencer ça à l'émission que t'étais tout seul à la place. Ça aurait été bien mieux. C'est pas mon genre. L'écouter au complet. Une vieille guitare désaccordée. Puis nous crie ses patience avec ça. Quand t'es parti... J'avais juste envie de me perdre. Je suis perdu. Ah, c'est la séquence de photos qu'il nous a donné notre. Ah, avec les roses pis tout, là. Hey, check les trous qu'il y a dans la face, toi. Quand t'es parti, y'avait tellement de femmes à boire. Y'avait tellement de place autour de moi. Y'avait tellement de place à ta mémoire. La brune. Ah, sacrément. Après ce bout-là, moi, je suis plus capable. Avec des serpents, c'est l'autre. Ouais, fait qu'on va se taper genre comme tout le reste à la prochaine émission, c'est ça, Tommy? C'est ça qu'il faut que tu te dises, là. Si tu dis qu'on arrête là, le contrat qu'on prend pour la prochaine émission, c'est qu'on garde tout le reste, là. Ça serait le temps, là. Ouais. On pourrait pas hypothéquer ça sur une année plus. Avec la souffrance. Le wallpaper. Oh, as-tu vu tout le beau maquillage? Ben oui, hein. C'est ça, okay, on revient assez, la là. Semaine prochaine. Pour l'instant, on va se perdre dans un clip qui est autre chose, c'est Porncastra. C'est toi, Étienne, je pense, qui nous avait envoyé ça. Oui, c'est excellent, ça. Pervers, man. Beau montage. À 70% sur les ondes de douteux.tv, la télé des délaissés. Sur Facebook. Oh, my God. Douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Hein? Bon, parce que ça fait longtemps, on s'est ennuyé. Une conséquence imprévue de la décriminalisation de la prostitution en Nouvelle-Zélande, les bris de panneaux de signalisation. En effet, les prostituées se servent de ces panneaux en guise de pôle à danser comme outil de sollicitation. Plus de 40 panneaux ont été arrachés dans les derniers 18 mois et le coût des dommages s'élève à plusieurs milliers de dollars. Certaines de ces prostituées sont des personnes de forte taille, affirme Donnelly, membre du conseil municipal d'Auckland. La Nouvelle-Zélande a l'une des politiques les plus souples en ce qui concerne la prostitution depuis sa décriminalisation en 2003 par le Parti travailliste. Voilà. On continue avec qu'est-ce qui se passe. Il me semble que c'est hot que ce soit le Parti travailliste qui ait décriminalisé la prostitution. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'en ai parlé. Tonya Ann Fowler était fâchée de la publication de sa photo d'identité judiciaire dans le magazine Bad and Busted, qui se spécialise dans la publication de ce type de photos. La photo, à son sens, n'était pas flatteuse. Et elle a donc décidé d'appeler le 911 afin de se plaindre. Pas la meilleure idée du monde, mais après son arrestation pour abus de service d'appel d'urgence, elle a pu prendre une nouvelle photo, qui est bien mieux. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première. Et puis la meilleure. Et puis la deuxième, beaucoup plus flatteuse, c'est celle-là ici. Et voilà. Beaucoup mieux, hein? Elle a pris le temps de se maquiller. Ouais. Celle-là, ça paraît, tu sais, on le sent. Ouais, elle s'est arrangée, t'as juste fait coiffer avant. Ouais. Elle a pris le temps d'avoir un œil qui se crisse de l'autre aussi, tu sais. C'est un talent, ça. Oui, ben ça prend du temps. Faut développer ça. Longtemps. J'ai rien à rajouter. Tu m'as shooté une autre, ouais. Bruno. Ah, fuck, celle-là. OK. 158 187. 158 187,26$, voilà. C'est le coût total du mariage le plus dispendieux de l'histoire des mariages d'animaux de compagnie. La mariée Baby Hope Diamond, un coton de tuléor communément appelé chien de grand-mère, était resplendissante dans sa robe canine de haute couture, tandis que son futur époux, un caniche nommé Chili Patersnack, volait la vedette dans son tuxedo et sa coupe de cheveux, malgré le fait qu'il ne semblait pas tout à fait excité par la cérémonie. Après le mariage, ils ont reçu le traditionnel certificat du record Guinness pour avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Fun fact, Baby Hope Diamond détient aussi le record du chien apparaissant sur le plus de photos accompagné de célébrités. You go, girl. Attends, peux-tu me répéter le nom du mari? Chili Pasternak. C'est beau, non? Mon prochain enfant, peux-tu me répéter le prix? oui. 158 187 et 26 exactement. Et 26. Ouais. Et ça, c'est qui, les propriétaires, c'est qui? Il est pas, il c'est pas une mention. Certaine Madame Diamond là, qui... C'est ça, il y a... J'avais pas envie d'en parler. Ah, ouais, ça paraissait. Hey, là-dessus, ben, d'abord, Bruno, si tu permets, on va essayer de s'en remettre et écouter quelques séquences de l'excellent long-métrage de ce soir. C'est Rage to Kill, tu t'en rappelles, hein, Bruno? Tu l'as vu? Ouais, je l'ai déjà vu. Ouais, c'est bon, c'est hein? Un bon film, ouais. C'est un bon film. Fait que là, ça commence pas mal de même. On est à 3 minutes du début. C'est le général Turner qui en a assez de la manière que les Marines le traitent. Fait qu'il décide de faire un coup d'état, d'aller prendre le contrôle de San Elron, qui est une place qui existe seulement dans un film. Comme le Valverde. Ouais. Oui. Comme aussi Santa Libre. Ouais. Dans Rambo. Santa Banana aussi. Ouais. C'est toutes des places proches. Hein, oui, on sait. Ben, c'est tout des Caraïbes. Oui, c'est toutes des places où il y a déjà eu un dictateur, puis à ce temps, il y a un meilleur dictateur installé par les Américains. Oui, qui est un meilleur parce qu'il survit plus longtemps. Oui. Parce qu'il est installé par les Américains. Une excellente séquence. Le général Turner, qui est joué par Oliver Reed, on va en reparler un petit peu. Épargnez ma femme et mon fils, ils sont innocents, ils ne font pas de politique. Non, tu m'aimes, ils ne font pas de politique. Oliver Reed, c'est celui en avant, là. Vous le reconnaissez peut-être de son rôle dans Gladiateur. Oh yeah! Et le fils essaie de sauver. Et... Oh non, c'est plus drôle là. Ah, ça l'arrête. Non. Oh, gars, tu vois, gars, c'est plus drôle. Non. Là, t'as franchi la ligne, man. Ouais, la ligne. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos des enfants en bas de 5 ans? Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Mais tu sais, il fallait. T'es censé le savoir que ça se fait pas. Tu sais, d'un genou. Le général, la révolution est commencée. Fait que je pensais que c'était cool. Ben ouais, mais en même temps... C'est terminé pour toi, soldat. Ah, oh, voyons. On ne tue pas les enfants, tu vois. Ah. On ne tue pas les enfants. Tu vois, les enfants, ça se tue pas. Non! Salaud! Ce qui est le fun, c'est que ça le force à rester sur place. C'est comme... Ouais, c'est ça. Reste là à côté du corps, puis réfléchis à ce que t'as fait. Ah, oh, mais tu vas voir à quel ça point ça le force à rester sur place. C'est sûrement un des assassinats de henchmen les plus gratuits et les plus compliqués. Comme là, il a tiré une balle dans la jambe, fait qu'il peut plus rien faire. C'est sûr que ton meilleur plan aussi, quand t'es genre comme en train de parler à quelqu'un qui vient d'assassiner des centaines de personnes, c'est de dire salaud, tu perds rien pour attendre. Ouais. Hey, sérieux. Et voilà. Donc, on recule. Ouais, et puis lui, il bouge pas. Non, mais non. Il a été tiré dans le jeu. C'est le meilleur conducteur d'hélicoptère au monde aussi, parce que c'est super tough faire ça. Puis il vient de scraper son hélicoptère en plus. Non, pas cet hélicoptère. Ben, il va exploser plus tard, là, de toute façon. Moi, je dirais que la chose qui finit le plus scrappé, là, c'est sa crédibilité. Et ouais. Voilà, c'est San Elron, la petite communauté paisible qui vient de manger une espèce de steak spécial et la fille qui parle en background, pis tout. Wow, ça, c'est un asti de bon film. On est à moins 8.5 selon les experts, c'est-à-dire moi et mes amis. Il y a 2 semaines, on a écouté un moins 5, c'était La Femme Dragon. La semaine d'après, on a écouté un moins 7, c'était Striker. On a vu une nette différence entre les deux. Et cette semaine, à moins 8.5, on est fiers de vous offrir comme une progression logique vers une compréhension concrète de ce qu'on veut dire avec notre belle chaîne, notre belle équation, notre... belle cotation, notre notation. Donc, vous allez bien comprendre ce qu'on veut dire. Et Rage to Kill, c'est tout un film. C'est vivant du début à la fin, tellement il y a des morts là-dedans. C'est assez fabuleux. Je dirais même plus que c'est exactement pour ce genre de film-là qu'on a commencé à faire des visionnements comme ça, de films comme ça. À noter que c'est la 3e fois qu'on va le projeter au brouhaha, Rage to Kill, version française de Rage to Kill. Faut dire que la première fois, ça compte moyen parce que, excluant le staff du bar et notre bande de douteologues, il y avait David Fortin et Colia Cambron, connus autrefois sous le nom de David et Colia, que l'on surnomme maintenant Dupont et Dupont. Déjà en ces temps reculés que l'on nomme aujourd'hui 2008, le charisme unique de Jack Ryan nous sidérait. Sans parler du fait qu'Oliver Reed et Cameron Mitchell aident à maintenir le sérieux de l'ensemble durant les 90 minutes réglementaires. Mais c'est qui ça, Oliver Reed et Cameron Mitchell? Oliver Reed est un Anglais qui s'est fait connaître à cause de son amitié avec Charlton Heston, celui qui jouait Moïse, Dieu et Jésus. Et parce qu'il avait l'habitude de colisser des volets dans des bars et d'être sous tout le temps, incluant toutes ses séquences dans le film de ce soir. Si on se fie à IMDb et Wikipédia, ce Russell Crowe des années 60 a bu, à lui seul, 3 bouteilles de rhum, 8 grosses bières et plus de 20 shooters avant que son cœur ne lâche en 99. Ce qui fit chier Ridley Scott, pas à peu près. J'ai un petit exemple ici d'une séquence parce qu'il est en train de tourner Gladiateur dans ce temps-là. Ah, lève-le, là. Marcus Aurelius had a dream that was Rome, Proximo. Et voilà, c'est lui. This is not it. This is not it. Marcus Aurelius is dead, Maximus. We mortals are but shadows and dust. Et puis ça, ben, si vous vous en rappelez, ça a été quand même une assez grosse tasse de marde pour notre ami Ridley Scott à avaler parce que le gars, il est mort avant qu'il fasse tuer dans son vin. Tu fais pas ça. Non, ça fait que là, à la place de tout retourner avec un autre acteur, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai essayé de trouver la séquence, mais on le voit de dos, c'est la même séquence qu'il vient d'avoir là, mais il est comme de dos en train de prier, puis là il y a un légionnaire méchant, tu sais, méchant. Et il rentre dans la tente avec, il dégaine son épée, puis là ben tu le vois lui, puis qui répète Shadows and Dust, puis là ben il meurt. Donc, il a réussi à sauver quand même assez bien la donne. Ce qui m'amène à Cameron Mitchell, parce qu'on a parlé de Oliver Reed. Cameron Mitchell, ça n'a peut-être pas rapport à ce que je vous montre là, mais bon. Cameron Mitchell, c'est un peu le Henri... c'est un peu le Henri Richard du douteux. Sans être le meilleur, il a participé à tellement de hauts faits de la vie, tels que nous les concevons, qu'il s'est mérité une place centrale dans nos cœurs. De Deadly Prey à Cuba, de Rage to Kill à un épisode passablement mauvais ici du Vagabond. Cameron Mitchell est ce qu'il convient d'appeler le parrain de notre cause et une face quelconque que vous n'avez pas fini de revoir si vous nous suivez. J'ai pas de séquence pour Cameron Mitchell, mais on va essayer d'en trouver une dans le film à un moment donné là. Puis sinon, ben on va s'en va écouter un clip. C'est quelque chose qui s'appelle Leningrad Doctor House. Je sais pas ce qu'ils se disent là-dedans. D'ailleurs, ça me fait penser que Demonoid s'est fait fermer par le gouvernement de l'Ukraine pour faire plaisir aux États-Unis pour que notre liberté et notre facilité de s'exprimer. Et donc, on écoute Leningrad parce que ça vient un petit peu de ce coin-là. C'est pour ça que je vais en parler parce que, tu sais, moi, je suis cultivé. Un petit peu de ce coin-là. Je sais pas si c'est une joke. Je sais pas ce qu'ils disent. Je sais pas c'est quoi. On revient à 70% juste après. Là. Люблю я Питер так, что в горле ком я. Я вас стесняюсь, я в вас безумно влюблена. Эмейл мне дала подруга, сказала, 100% ваш. Мы созданы, сказала друг для друга, мол, нравится вам мой типаж. О, доктор Хаус, доктор Хаус. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю вас. О, доктор Хаус, доктор Хаус. Дышу я вами, как озоном, без вас и жизнь мне не мила. Вы наркоман, я знаю это, хоть я не врач, я вас спасу. Жизнь — это горькая конфета, я все несчастья рассосу. О, доктор Хаус, доктор Хаус. Я люблю вас, о, доктор Хаус. есть мужики у нас в России, или козлы, или хорьки. А вы прикольные, красивые, а с ними сдохнешь от тоски. Я к вам лечу, мой милый хаос, я вся волнением полна. Я вас хочу, я вас стесняюсь, я вас безумно влюблена. О, доктор Хаус, доктор Хаус. Welcome back, sir. I say! Votre humour est déplaisant. Au fait, le nom du commando que vous tenez sous la houlette de Phoenix? Les Tigres Noirs. Ah, qui a eu l'idée absurde de les appeler les Tigres Noirs? Certains d'entre nous, il y a quelques années. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Mathieu, ouais. Ma prise de position continue. Mais Bruno, d'ailleurs, j'ai fait ta chronique la semaine passée, puis le monde en rit. Hein. J'ai eu des commentaires très ouais, positifs. Ouais, c'est vraiment mieux. J'ai rien que te dire. Ouais. Puis j'avais pas besoin de photos pour m'appuyer. Même plus. Moi, je t'ai envoyé un email pour dire que c'était vraiment mieux sans Bruno l'émission. Je sais. Mais tu sais, je suis quand même assez magnanime, donc je fais juste un spot à la fois. Non, je suis ici pour parler. Il y a des élections. Des élections qui s'en viennent. Non, j'ai entendu parler de ça, moi aussi. Ouais. Ça, c'est à cause des hosties d'étudiants, ça. Bien sûr. Astique, j'étais carré. Qu'est-ce que je... Non, mais ça allait bien, là. On avait un 9 ans, ça roulait bien. L'économie allait bien. C'est sûr, bon l'économie serait. Allait bien. Oh, ouais, non, c'est clair. L'économie allait très bien. Il est en train de construire un beau chalet à l'île d'Anticosti. Il est en train de... Ben, mon Harford, il a vraiment essayé. Moi, j'étais pour ça à 100%. À quoi ça sert une fucking montagne, de toute façon? Faut mettre du stock dessus. Là, je veux dire, les arbres, les regarde. De toute façon, on n'en fait même plus du papier. On n'a plus de besoin. Là. Fait que coupez-moi tout ça, ces arbres-là, ça donne à rien, de toute façon. Puis le plan Nord, moi, je pense... Tu sais, tout le monde pensait qu'il riait des étudiants là, au plan Nord, là, mais non. Non. Il était sincère. Ben, il leur donnait des jobs. Puis les jobs dans le Nord, là, c'est super bien payé. Il y a des primes d'éloignement. Facilement. Puis là, tu sais, je veux dire, ta femme, tu peux pas tout le temps rester à côté, tout le temps. Là, t'sais. Un moment donné, faut que tu quittes. Là. Si t'es étudiant, t'as pas de femme. Mais voilà, ouais. Là. Tu sais, nous, les Français, on était de même. C'est plus tard, ça. On est fait. Non, mais on s'en sert. Une forêt, c'est beau, en Estie. Il y a un ordre dans la vie. Hein. Mais nous, les Français, on est fait de même. Les Québécois. Nous. Nous, là. Ouais, nous on autres. Est fait de même. Mm-hmm. Dans le temps, on s'en allait dans le bois, on s'en allait bûcher. C'est vrai. Puis Chris, qu'on était bien dans ce temps-là. T'sais, on voyait pas nos fans tout dans le temps. Dans ce temps-là, on était bien. Chris, qu'on était bien. M'en souviens encore. Manger des bines. C'est ça. Ma fille a fait un dessin. Ah oui? Ouais. Ben, tu m'as envoyé ça, là. T'as pris le temps de... Ben, elle a fait par Photoshop. Ouais, ben... T'es avancé, hein? Elle est vraiment hot. Moi, j'imagine, j'ai pas vu le dessin encore, mais... Ça s'en vient, là. Non, mais... Les nouveaux médias, tu ça s'en vient pas, là. Non, ben, il est là. Les gens le voient, là. Y a... OK. Il voit le qu'ils voient pas. Nous autres, on le voit pas, ouais. Moi, je vois... Ah, ouais, elle a fait un dessin mouvement de Étienne et Andy au micro. OK, gars, m'a ramené Andy, là. Continue à parler d'autre chose, puis je vais essayer de voir si je peux le retrouver, ton pénis. Bravo. Tu veux, là, ça, c'est... Toi, t'as été étudiant longtemps, je pense, hein? Moi, j'ai quasiment pas étudié. J'ai même pas fini mes études, puis je gagne bien ma vie. Là. Les études, c'est con, de c'est toute façon. Ouais, un petit peu. Ben, comme qu'il disait chose dans le film. Là. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le gars qui a étudié en cinéma. En cinéma, en scénarisation cinématographique. Cinéma. Ouais, avouez que c'est du temps perdu. C'est ce gars-là, il a baccalauréat en cinéma. Ça, ouais, mais j'ai pas, ouais, c'est ça, je l'ai pas fini par exemple. Ah, voilà. Certificat en scénarisation. T'as bien fait. Que, t'es rendu compte. Ben, t'as bien fait. Sinon, je me rappellerais peut-être du nom du gars. Simon Boisvert. Ah, okay, oh, oui. Colin. Ah, oui, ce cinéaste-là. Comme il disait Simon Boisvert dans son film, moi, j'ai juste secondaire 5 puis je fais plus d'argent que du monde. Ben, voilà. C'est exactement ça. Il est contrôleur aérien avec des. Ah bon, enfin, voilà, alors enfin. Alors, comme vous pouvez voir, elle a écrit en espagnol en haut à gauche parce qu'elle a appris l'espagnol, l'italien, le ça, français, c'est trop de Dora l'exploratrice, l'anglais, full de glottes. Oui, dans le fond, le dessin qu'elle a fait, c'est des avions qui tuent des animaux parce que les animaux, il y en a trop sur la terre de toute façon. Puis là, on veut remettre des animaux sur la terre. Non. La nature qui essaye de gagner le combat là. Ouais, ben c'est parce qu'à un moment donné, on est des êtres humains. On est en haut de la chaîne, reste. Ben oui. Là, l'Islande qui est en train de fondre en plus, là, fuck that. De toute façon, c'est correct, ouais, là, il va y avoir des tropiques tout le monde. Il y a un nouvel album, fait que c'est sauvé. Ils vont mettre des berries bleues vides en dessous de toute l'aile. Fait que tout le monde, je vais finir ça là-dessus parce que j'ai pas la patience ou l'écriture de Mathieu. Là. On finit ça là-dessus. Là. Tout le monde, là, votez libéral et ou le CAQ. C'est les deux meilleurs partis, sont là pour vous, pour votre intérêt, à part pour si vous êtes étudiant, pauvre, prolétaire. Si vous travaillez pas, si vous êtes bien-être social, je peux vous comprendre. Mais de toute façon, c'est pas vous autres qui êtes dans le top. And everyone at home, God bless you. God bless America. God bless America. Hey, là-dessus, on s'en va rejoindre Étienne. Toi, t'es dans ton monde fabuleux du Noël du campeur. T'es, oui, comme, oui, oui. T'es comme tellement. Ça, c'est une belle fête. C'est tellement lui. Pile. Tu sais, c'est Noël du campeur au début à août, mais ça. C'est toujours bon. Ouais, c'est parce que c'était le jour de l'an du campeur. Non, mais c'est ça, c'était le jour de l'an du campeur. Aujourd'hui, on était à la fête des rois du campeur, je viens de réaliser. C'est la fête civique. C'est la fête civique au Canada, à part au Québec. Partout, sauf ici. Exact. Fait que faites-vous. La fête du roi du campeur. Faites-vous venir une pizza puis cacher une fête dedans, puis amusez-vous. Donc voilà, les chansons de camping, sinon j'en ai trouvé une qui est pas mal vieille, ça sonne vieux, Léo Benoît au Camping des Roses. Dès que tu dis rose, c'est 1920. Hein? Peut-être pas, après. Je ressens une thématique dans les styles musicaux. Oui, effectivement, c'est ça. Les tunes de camping, on dirait que... Ils sont souvent un peu country. Faut que ça swing. Un peu. Faut que ça joue autour d'un feu. Ouais, c'est ça, hein? Exact. Il y a pas beaucoup de tunes de camping, genre house ou... Non, effectivement. Ou... ou reggae, même. Ouais. Ou band, t'es comme... Ah oui, ça, c'est excellent, cette vidéo-là. Ah. C'est du camping. Ouais, c'est super. C'est du camping fluo plus que des roses, mais. Ouais, non, mais c'est bon, ça compte. C'est-tu Frippe, ça? Non. De Frippe Épouille, non? C'est un français, je me rappelle plus de son nom. Non, mais je parle du gars en arrière à gauche. Boris, ça se peut-tu? Ouais, j'imagine que Frippe est dans le vidéoclip fluo d'un chanteur français qui fait une affaire de camping. Ça serait le gars, ouais. Non, ça serait la prochaine avenue possible. Ah, mais sérieux, les trois dernières tunes que tu nous as mis, il n'y avait pas beaucoup de différence. Non, c'est ça, puis regardez, mettons. Oh, non. André Brazo au camping. Pas des roses, celui-là. Ah, c'est ça le test, hein? Moi, je l'ai passé. Hein? J'ai vu que. Ouais, ouais. Ben, j'en avais parlé avant, mais tu m'écoutais pas. Il y a une ligne du poilu. Fait que dans le fond, c'est comme le dance. Hein. Le dance, c'est tout le temps la même affaire. C'est la même affaire, mais quand tu connais bien ça, ben, tu peux te rendre compte que c'est presque tout le temps la même affaire. Mais d'ailleurs, il y a des. Comme le rap, puis le reggaeton. Puis le rock, puis le métal, puis le classique. Hey, savez-vous qu'il y a des études. Le classique, ça, c'est vrai que c'est tout pareil. Ouais. Mais savez-vous qu'il y a des. J'ai lu ça aujourd'hui, là. Il y a des scientifiques qui ont prouvé que le pop devient de plus en plus fade et. De moins en moins d'accord. De moins en moins d'accord et de moins en moins d'harmonie. C'est ça. Et puis c'est plus. C'est plus loud. Toujours. Moi, plus. C'est masterisé plus loud, puis. Puis c'est toujours les mêmes progressions d'accords, même si c'est pas tout le temps les mêmes accords. Tu veux dire dans la musique moderne? Ouais. Donc, si on comparait, mettons, la musique populaire des années 50 jusqu'à aujourd'hui, genre, puis, ça s'en va en devenant de plus en plus tout pareil. De plus en plus minimaliste, okay. Mettons, pour être politiquement correct. Dans la face des gens. Ouais, ouais, mais attends, on va pouvoir jouer de la flûte, puis ça va être bien beau. Je mets une dernière tune de camping que je trouve la fun. S'il te plaît, ouais. Qui s'appelle Céline, c'est-à-dire c'est de Céline et Guylaine, que vous connaissez peut-être. Bien sûr, qu'on adore. Qui font Amusons-nous campeurs. C'est celle que je connaissais. Elle est différente, elle. Tu connais ça? Avec quoi rime toujours? Avec toujours. Avec toujours, ah! Même pas avec amour! Non! Hein? Ils sortent des sentiers battus. J'ai pas vu venir. Ils le disent deux fois en plus. T'as pas compris. Ben, c'est dans le refrain. J'aime bien aussi pas rimer toujours avec tous les jours. Ça, c'est level 2 quand même. Ouais. Comme amour avec toujours. Ou bonjour. Bonjour tous les autres. C'est quand c'est un ninja dans un campement. Ça compte. Amusons-nous, campeurs. Amusons-nous toujours. Le bon temps du camping. Ne durera pas toujours. Amusons-nous, campeurs. Amusons-nous toujours. Le bon temps du camping ne durera pas toujours. Merci, okay, Céline. Next. Oui, c'est ça. Là, maintenant, je conclue mon bloc Noël du campeur par quelques tonnes de Noël. Je voulais pas en mettre trop parce que, tu sais, à un moment donné, je m'en garde pour décembre. Mais là, il y en avait que. Parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a jamais trop. On va peut-être pas jouer des tonnes de camping pour Noël. En décembre, aussi, comme. Ben, de toute façon, Noël, c'est le 5 de novembre. Ça s'en vient, là. C'est après l'automne. C'est après la foire, en fait. C'est vrai. Noël, c'est le 5 novembre. Un petit peu avant l'Halloween. Noël. Maintenant. À chaque année, Noël est un petit peu avant Noël. Ah, Chris, oui. Ça, c'est un. Faites pas ça à la maison, des références circulaires comme ça. Donc, là, j'avais une chanson vraiment cool. Go to. C'est tellement Noël, là, que si c'était pas Noël, ce serait quand même Noël. Ouais, c'est ça. C'est t'sais? La force de Noël. En tout cas. Donc. Tu es en train de tourner en rond. Il y a une toune des Chipmunks que tout le monde connaît. Que Pablo, notre comptable, appelle les Chippendales en passant. Moi, je trouve ça très drôle. Bravo, Pablo. On le salue. Oui, on le salue. Donc, elle a été reprise sans cesse. Mais là, j'ai trouvé la pire reprise de tous les temps de la toune de Noël des Chipmunks par un groupe qui s'appelle Les Minous Blancs. Et la chanson s'appelle maintenant La chanson des Minous. Donc, ça laisse rien présager là, de qu'est-ce que ça va être. Puis vous allez voir, c'est super. Miaou, miaou. Non, il n'y a pas de vrai chant. Les Minous Blancs. Tu veux chanter? Oh oui, nous sommes. Tu veux chanter, Carole? Oh oui. Carole. Ah oui. Carole et Denise. Denise. Oh oui. C'est des chats qui s'appellent Carole et Denise. C'est pareil. Ben, moins aigu un peu. Ouais, moins bien fait. T'sais. Moi, j'aimais bien celle des bichons. Ouais. Pablo Noël et José des bichons. Ouais. Non, mais écoutez à quel point c'est aigu, là. Ben, c'est parce que les Chipmunks sont aigus, mais ils sont pas flat. Ouais, c'est ça. Excepté Alvin, qui est un petit peu flat. Alvin est un peu flat. Il n'y a pas d'harmonie vocale non plus dans ce genre. Checkez bien ce bout-là quand il leur dit qu'ils chantent mal. Là. Alors, c'est le solo. Il va intervenir. C'est une toune reggae, ça? Le monsieur est un très bon comédien. C'est un solo. Le gars qui fait le propriétaire de Chipmunks. Il s'en vient éventuellement. Ça en vient, là. Ah oh, ouais, tu sais, on savoure la musique. Comment ça va, hein? C'est un petit peu en retard. Hein? Ouais. T'as dit que t'en avais plusieurs. Ah, il va le dire. Tu chantes très bien, Carole. Fais attention, Denise, tu ne chantes pas très bien. Fais attention, Denise. C'est qu'il n'y a pas d'émotion. Denise! Oh oui! Attention, Denise, tu ne chantes pas très bien. Carole, tu chantes bien, puis ça se peut qu'il se passe des affaires dans la chambre à coucher à soir. Carole et Denise, les Minous Blancs. Hey, c'est fantastique. Voilà, donc ça c'était ça. On dirait qu'elle s'est fâchée puis qu'elle s'est mise à chanter plus mal après. Ouais. Ah, y a plein de cul, celle-là. Ouais. Ouais, c'est pas facile. C'est mon sinon, genre, t'es... là. Je dis pas que c'est pas mon genre. Ça va revenir à Noël. Ah. Sœur Angèle a fait un album de Noël. Je capote. Oh. Non. On sent le vibrato religieux en elle. Sœur Angèle. Attention en bas. Marie, elle a une bonne... Ouais, c'est ça, le vibrato religieux. Un petit que j'aime ça quand elle roule, c'est... Ça roule, hein? c'était pas une star. Noël, Noël, Noël. Un peu en appétit à Noël, je vais le ressortir. Puis il y a des duos avec France d'Amour. En appétit, puis gars. Avec France d'Amour. Sœur Angèle, appétit. En appétit. Fourchette d'or, Guy Boucher, pédophilie. Ouais. Oh! Je suis allé un peu trop loin. Pédophilie, Claude Steben, Capitaine Cosmos. Je suis comme le henchman qui a tué un enfant. Ouais. Bon, sinon, je sais pas si vous écoutez ça avec Charles Lafortune. C'est tellement cute, l'école des fans. Savez-vous qu'ils ont sorti un album de Noël? Ah, ouais. Mais oui. Entre autres. C'est quoi le lien? Il y a cette chanson ici. Je vais l'avancer au beau milieu. Noël n'est pas au magasin. C'est le petit Jérémy. Noël n'est pas écrit, c'est pas vrai. Mais c'est pas partout, Noël. T'es partout dans notre cœur. Partout, au magasin. Ah, ok, c'est bon. Il est au garage. Fallait que fasse réparer ses breaks. Après ça, il va aller au magasin. Pour l'instant, Noël n'est pas au magasin. Où c'est que t'as acheté cet album? Dans un magasin. Pas moi, mais en tout cas. Non, bon, toi non. Alors, sinon... Sinon, je conclue avec une affaire. C'est une dernière. Ouais. C'était bon, hein? Ben, moi, ça reprend, je trouve que ça reprend le message de Chantal Paris qui vole des affaires pour Noël. Ouais. Convergence. Fait que sinon, ben, Danny Twist, j'ai découvert ça récemment, mais ça a été indiqué en 2002. Danny Twist, le port Noël arrive. Ça, en gros, c'est comme le concept que tu prends toutes les tunes de Noël, là, puis tu mets des paroles sexuelles super cheap par-dessus. Hilarité s'ensuit. Right. Donc, entre autres, ici, on a Deck the Halls qui devient Farenchnol. C'est ma préférée, celle de mon fils également. Ça commence de même, bon, évidemment. Ça, c'est ce genre de musique-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça parce que ça me rappelle l'attitude de Radio Énergie. Oui, exactement. Tu sais, faut que tout soit comme « Yeah! » Exactement. C'est drôle. Fait que ça, j'ai découvert ça, j'ai fait écouter ça à mon fils, et depuis ce temps, je m'excuse à ma blonde, mais on n'arrête pas de chanter ça tout le temps dans la maison. Et voilà, c'est ça. C'est comme Boondock, pareil. Ouais, pareil. On a découvert aussi Batman Lego 2 sur le Xbox, puis là, ben, on joue Batman et Robin en chantant. Donc voilà, ça a de la classe. Excellent. Sur l'album pour Noël, juste, je ferai pas jouer les autres tunes, mais juste les titres. On a Santa pas de classe, Le bordel du bonhomme hiver, Pogne-moi le cul sur l'air de Jingle Bells, Mon petit clito sur l'air de Let It Snow, Aux danseuses ce soir, J'ai vu maman se faire, point de suspension, par le Père Noël. On y a poé, Port Noël rock, La dose de ma compagne. Ça, c'est pas pire, quand même. Mon gros cochon, sur l'air de Frosty the Snowman, on avait plus d'idée. Le gros bas du Père Noël, sexe et rock'n'roll, orgie de Noël, une maison close de Bethléem. J'ai l'air d'une capsule de François Virus. Aux nuits sexy, Gino's Fantasy, Petit papa sexuel et puis des remerciements de Manon. Donc voilà, Danny Twist, le porno à la rive. Il y a des remerciements de Manon. Ouais, à la fin. Les remerciements. Non, ça ne doit pas durer longtemps. Ouais, ça dure trop longtemps, c'est pas intéressant. Okay, moi aussi, j'avais plein d'espoir, mais non, finalement. Non, c'est ça. La meilleure, c'est Farenchnol. Donc, vous avez celle-là. Je sortirai le reste quand Noël sera arrivé en octobre. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Étienne. Ça va nous amener vers la suite de l'émission, je pense. On va aller écouter le clip des dauphins. Moi je veux le ramener. Moi je veux bring back Bryan Adams puis le clip des dauphins. C'est bien meilleur que Bon Jovi. Peu importe ce que certains en disent. Benoît Poirier. Ouais. On écoute le clip des dauphins puis on revient à 70%. Ooh yeah! À un moment donné, il va dire I gotta say! Okay, ben. 16 dauphins au total dans le clip. 16 dauphins. The lonely, but I was wrong. Ah. Something called a moshoko do mazata, lata to do motondo, tiki, shakala kapoko, toko to kalaka moshiki. Kali shikodo boko tole, bakatai, shakapo, chokole kamoko teya. I love you. On est de retour en nouvelle, puis je vois plus rien, ben j'avais la lumière d'en face. L'alcool serait à blâmer dans la gageure de gossou qui vire mal de la semaine. L'alcool et les gossous, un autre ça lien. Va impliquer le rectum d'un inconnu, ça c'est sûr. William Bonner, 36 ans, a affirmé qu'il était capable de se crisser la tête en feu avec du rhum. Plus précisément, du Bacardi 151 à 75,5% d'alcool. Afin de prouver ses dires, il s'est crissé la tête en feu avec du rhum. Bonner s'est mis à courir et à essayer d'éteindre les flammes avec ses mains pendant 10 secondes alors que ses amis et les autres clients du bar restaient figés. Quelqu'un a enfin eu la présence d'esprit de l'arroser pour éteindre le feu. Il a ensuite été transporté à l'hôpital. Aucune accusation ne sera portée, bien sûr, parce que tu peux pas attaquer l'assaillant est aussi le, ouais, c'est ça, la victime. Fait que bon. C'est quoi qui a gagné? Parce qu'il a gagné son pari, là. Ouais. Ah, je sais pas. Il a gagné l'honneur de s'être crissé la tête en feu. Et ça, il y en a qui sont morts pour ça. Là. Ouais. On continue avec l'alcool serait à blâmer dans la deuxième galerie de Gossou. Un jeune homme de 23 ans résidant non loin de la ville de Darwin en Australie, ouais, ça va bien, a décidé, afin d'impressionner la galerie, de se rentrer un peu d'artifice dans les fesses avant de l'allumer. Le sergent senior Gary Smith a affirmé que ce qui semblait être une si bonne idée au départ s'est retourné contre lui. Le jeune homme a souffert de plusieurs brûlures sévères aux fesses et derrière les parties privées. En plus de ses blessures, le jeune homme pourrait faire face à une amende pour avoir utilisé des feux d'artifice un autre jour que le 1er juillet, ben sur le jour où ils sont légaux. On l'a déjà vu passer, ça. Sur le... Ah, c'est toi qui l'avais fait. OK. Ah. Mais gars, tu vois, gars. Moi, je pense que j'aimerais féliciter lui ici. Ouais. Ça se fait pas de ça, ce genre d'affaire-là. Ça te prend comme un sidekick béni qui vient appliquer ça. Il vient dire oui, quelle bonne idée, je vais t'aider. Je vais le tenir. Je suis là pour toi, man. Bon, ben, passe à la prochaine. Ben non, mais t'as pas fini, là. Ah, oh, ouais, t'as fini, celle-là. OK. Alors, une dernière petite pour ce bloc-là. Timothy Paz n'est pas le genre de gars à se laisser décourager facilement. Le jeune homme de 22 ans avait jeté son dévolu sur une jeune femme lors d'une soirée dans un bar. Son premier move, la prendre dans ses bras, ce à quoi la jeune femme a répliqué « vraiment ». Paz s'est alors retiré, mais il n'a pas dit son dernier mot. Deuxième move, il sort son pénis et se met à lui uriner sur la jambe. Pas de troisième move. Malgré avoir clairement marqué son territoire, la jeune femme n'est pas repartie avec lui et Paz a été escorté à l'extérieur du bar par le personnel de sécurité qui fait face à des accusations de grossière indécence et de harcèlement. Et de manque de manière. Voyons, crise de gaz. L'alcool serait à blâmer, là. Ah oui, pas dans le bar. Ouais. Il sait qu'il aurait pu se pogner ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est sa face à lui. Ça, c'est sa face Puis à lui. Si vous pissez sa jambe, dites-vous que vous n'êtes pas la première. Exactement. Ça. Vous faites partie d'une grande famille maintenant. Next. Tu veux-tu garder un bloc pour la fin? Ben, il m'en reste deux. Je peux garder un bloc pour la fin. Je peux finir ça là. Wow, si ben, on peut peut-être garder un bloc pour la fin et s'en aller vers notre ami Fred du Moustache, là, qui est comme. En train d'être là, tu sais, pis tout. Pis Fred, tu nous as amené des coupures, le meilleur du journal gratuit encore. Ouais, mais moi, Jingle, là, c'est 2.0, man. Ouais, y'en a pas. Ouais, OK, on start ça tout de suite. OK. Donc, ma chronique d'aujourd'hui d'une présentation de la Bud Light, Coors Light avec la montagne bleue dessus, thé glacé. C'est l'été, vous hésitez entre une bière et un thé glacé, ne cherchez plus. Donc, attends, first zoom in dessus, tu vas voir, cette bière-là, elle est brassée pour les amateurs de bière. Voilà. Je tenais à le souligner. C'est bon. En image. Tu vois qu'il perd pas de temps. En plus, elle est froide quand elle refroidit, je pense. Hein? C'est celle-là. Plus tu la mets dans le fret, plus qu'elle devient fret. Fret. Ouais. Donc, quand le ciel nous tombe sur la tête, ça, c'était lundi dernier, donc une belle image d'un éclair. Ouais. Donc, dans les grands titres qui veulent rien dire cette semaine, toujours d'actualité. en manchette ce soir. Cette semaine était tôt. Drôle de retrouvailles. J'y vais ou j'y vais pas. C'est un ou l'autre, hein? Oui, c'est souvent pas, c'est une dichotomie qu'on dit, je pense. C'est ça. Règlement bientôt harmonisé. Ah, bon, c'est en voilà une bonne nouvelle. Là, c'est enfin, le règlement va arrêter de chicaner entre eux. Invasion de droit au Square Vigée. On disait dans l'article qu'il y a à Montréal deux rats pour chaque citoyen. Et donc, c'est la mégalopole où c'est le moins en plus. On bat Moscou. Je sais pas c'est qui les a comptés par exemple. Ça doit être des... Il y a un recensement, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est illégal. Mais un cours, inquiétez-vous pas. Là. Un recensement court. C'est l'été, il fait chaud. Hein? L'importance de garder un œil sur Pitou. Dans les parcs. Dans les parcs. Uh-huh. On voit le chien est content. Oui, le chien est content. Le film numéro 1 en France. S'en vient maintenant au Québec. Zoom in là-dessus, Tom. Si le... Hey, come on. Check. Le marsupilami. Et voilà. Wow. Hein? Avec, c'est... avec chose, là, puis l'autre, là. Fait que ouais, ça, ouais, ça c'est comme Zantafio, puis lui, c'est comme Fantasio. C'est Jamel Debbouze, en tout cas, là. Ouais, il manque un bras. Fantasio, il y a deux bras. Je suis pas sûr que... Il y en a un infographié un autre. Je suis pas sûr que dans l'histoire, il y a Fantasio puis Spirou, par exemple. Ah ouais. Ça reste à voir, là. Ouais, ça doit être le film numéro 1 en France. S'en vient au Québec. À la recherche du merveilleux. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais, mais ça, j'ai envie d'y donner un coup de pied, man. Tu sais, c'est hot, hein, il dépasse la photo toute dans, tu sais. Ouais, ouais, ça, ça paraît qu'il est infographié tellement il est cute, là. Le film numéro 1 au Québec cette année. Ça en va en France. Ça joue à deux, France. Zoom in en haut complètement de l'affiche, OK? En haut complètement. J'aime celle-là que le coup de attends, génie... On va y revenir. On va y revenir. Okay. En haut complètement, ça dit le film québécois numéro 1 de l'année. Déjà 2 millions au box-office. Merci. Qu'est-ce qu'il a coûté combien? Arrêtez pas, tu sais, comme continuer. Ouais. C'est la première fois que je vois ça sur comme une affiche de film. Ouais, merci. Quelqu'un qui nous remercie, ouais, ouais. Ouais. Puis oui, on a des quotes de spécialistes du cinéma, hein, dont à Choix Radio X, Martin Thomas Côté, qui dit « Ça m'a même fait penser à un bon James Bond ». Pas un mauvais, là, ben non, un bon. Ouais, ouais, bon. Ouais, ouais. Puis il y a aussi de Rouge FM, Alexandre Tremblay, qui dit « L'intrigue nous tient en haleine et les rebondissements sont nombreux ». Indéniable efficacité, les dialogues ont du punch, intrigue solide. Pis toi, ton préféré, Tommy, c'était l'autre. Ben, quel coup de génie, René Angélil, dans le rôle du mafioso. Là, personne n'y avait pensé avant. J'aimais bien celui de Radio X, parce que je suis un gros fan de Choix FM Radio X. Mais quel coup de génie, hein? Ben oui, oui. Quel coup de génie. Ça va bien chez les libéraux, hein? Dans cette première semaine de campagne électorale, on voit Jean Charest est en parfait contrôle de la situation. Très heureux. Donc, les libéraux récupèrent trois anciens de la DQ. Les conservateurs, de plus en plus libéraux pour prendre le pouvoir, et les libéraux, de plus en plus conservateurs. Et Jean Charest, les deux mains sur le volant, comme je disais, hein, voilà, il est en contrôle. Il est en train de tenir le volant. Et ça va bien, hein, parce que moi j'ai lu un journal 8 sur 10 pour Jean Charest. Ouais. Par Jean Charest. Oui, par Jean Charest pour Jean Charest. Ouais. Ouais, concernant la lutte contre la corruption. Le lendemain, il a insisté sur le fait qu'il a été mal cité. Ah. Il voulait dire 8 sur 100. Ah, OK. Il voulait dire, c'est un 8 sur le côté que je me donnais. Donc, je me donne infini sur 10. Tout va bien. Et ça va mal pour la CAQ, hein, on le voit sur cette photo. François Legault qui en arrache. Donc, prochaine photo, hein, on voit la première intention de la CAQ, c'est une loi sur l'intégrité. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Hein. Non, je pense qu'on n'est pas prête à ça. Non. On légifère pas sur l'intégrité. Ça fait que tu vas être obligé d'être intègre ou tu vas être illégal. C'est bon. Et Pauline Marois, hein, coup d'éclat. Elle a dit. Je pensais que c'est une légende, Pauline, dans le métro. Voyez comment je ne suis pas une bourgeoise. Je prends le métro chaque matin pour me rendre à l'Assemblée nationale. Avec les hauts bureaux blouins. Tout le temps. Elle fait pas ça pantoute. Ouais. Non, ben oui, elle sera à l'Assemblée nationale en métro. En métro. À Québec. Ouais. Avec la gomme stride. Fallait que j'aille ça, c'est un côté. Le régime syrien nie tout massacre. Il n'y en a pas de massacre. Ben non, c'est ça qu'ils ont dit dans le communiqué de presse. Hein. Ils ont dit, il n'y en a pas. Moi aussi, je peux faire... Un jeune Syrien tient une pancarte où est inscrit et après une conférence de presse, d'autres conférences de presse pour critiquer l'inaction internationale. Ouais, on va voir sur la prochaine photo. Ça, c'est un party en Syrie. Les mitraillettes, le des lances. C'est le party Bud Light, je pense. C'est soit ça, soit c'est le nouveau Mad Max, là. On n'est pas sûr. Ouais, mais... Puis, sur la prochaine photo, ben, c'est un pick-up remorqueur. Simplement. pas nécessairement un massacre parce que ça. Carrément, ça doit être deux ces chucks. Et dans la section culture, hein, tu peux faire un zoom in sur la face de Def Leppard. Sur la face de Def Leppard. Hein? Affaire aujourd'hui, Sunbelt, ben là c'est plus aujourd'hui, mais en tout cas c'était une couple de semaines. Hein. Section ben, culture. Pas de Grande-Bretagne, pas en tout, ils viennent d'Australie. Ouais, ils sont mélangés. Je reviens hein. Au Canada. Ben voyons, Esti, ouais. C'est quoi ce journal-là? Mais pour vrai, ils viennent d'Australie, là. Ça, je suis sûr. Ouais. C'est où ça, le Canada? Le Canada, je sais pas, mais ça a l'air d'être francophone à quelque part. Ça a l'air africain un peu, je trouve. Hein? Culture, trois cultures, ouais, c'est ça, trois fautes. Dans voilà. Là-dessus, t'as pas mal fini ton intervention, mon cher Fred. Ben, je pense que oui. Ce qui va nous amener à la deuxième fois où je parle du long métrage de ce soir, c'est le contraire de n'importe quoi. On parle de Rage to Kill. C'est une fabulosité, quand même, assez toute puissante. Ça date de 1987, c'est la meilleure année de tous les temps, 1987. Là, je suis en train ici d'essayer de vous retrouver un petit bout de clip, c'est à 23 minutes 25, parce que quand tu fais des moins 8.5, des moins 8, tu sais, t'as une grosse densité de choses qui se passent, qui est extraordinaire, mais t'as aussi quelques petits points d'innovation indispensables qui font que la chose est différente des autres. Regardez bien, là, c'est là. Donc là, voilà. Reste tranquille. Oui. Tu n'as rien à craindre. C'est moi, Glenn. Je suis ton frère. C'est pas pire à Chris. Pour vrai, là, c'est moi, Glenn, je suis ton frère. C'est impossible que quiconque, nulle part, d'aucune manière, à aucun moment, ne dise une phrase comme ça. Et je continue un petit peu plus loin. Je m'en vais à 37 minutes 30. On va avoir une crise de belle séquence. Pour vrai, là. Deux morts, deux veuves sur la séquence. Là, il va le muncher, munch. Et puis l'autre a remarqué comment il sort de son fusil. Il voulait l'empaler avec son fusil. Puis là, le but, c'était même pas de faire ça silencieux, parce que finalement, un coup qui est à terre, qui m'ont contrôlé, mais il fusil. Donc, c'est une séquence un petit peu magique, au minimum spéciale. Et un autre que je voulais absolument vous montrer, on s'en va à 1h19 à l'intérieur du long-métrage. Et voilà, ça explose, on adore ça. Écoutez bien ça. C'est parce qu'il y a un silo ici de missiles, il faut qu'ils le détruisent. Écoutez bien ça. Ça marche jamais. C'est Wi-Fi à cette heure. Hein? C'est bon, on a 3 minutes pour sortir d'ici. Tu sais que c'est impossible. Ah non, merde. Et je sais aussi. On s'était dit 5 minutes à fuck. Et ça, ce warning-là, c'est, je trouve ça vraiment fabuleux, moi, parce que c'est la dernière fois qu'on en entend parler du film. Tu sais, elle dit 3 minutes, mais c'est impossible. Et tu sais, on se sacrifie pour la cause, on fait notre possible. Et finalement. Ben, on n'en entend plus parler, puis si 3 minutes, lui, il savait que c'était impossible, pourquoi il ne met pas 5? C'est ça, ouais. Tu sais, il y a plusieurs questions qui nous ramènent à la fatalité qu'on est vraiment en face d'un objet unique, un objet culturel puissant. C'est Rage to Kill, c'est moins 8.5. Ça va me faire plaisir d'en parler ici, puis tiens, je vais mettre... Ouais, avec ta petite toune, ça va être encore plus beau pendant qu'on voit les séquences, là. Pas les séquences de la fin, là, on va aller à une place où on voit Cameron Mitchell, là. J'aimerais ça vous montrer Cameron. Et voilà, c'était Cameron Mitchell. Ah, on l'a vu là. On l'a vu. Voilà. Ouais. Et voilà Cameron Mitchell ici. Il était mettez-le dans le vagabond. Mettez-le sur pause. Admirez-le, on vous attend. Laissez-vous imbiber de son charisme. De son visage franchement quelconque qu'on a tellement vu dans tellement de films. Ouais. Excellent à chaque fois, bien sûr. Donc, on parle de Rage to Kill, version française de Rage to Kill. C'est un film de David Winters. C'est en 1987. Donc, le héros s'appelle Blaine Stryker. La semaine passée, c'était John Slade. Là, c'est Blaine Stryker. Blaine Stryker, donc, se fait kidnapper son frère par le général Oliver Reed, le général Turner, dans la République de Bananes de l'île de San Elrond. Pendant le coup d'état du général Turner, ben, C'est que le petit frère de Glenn Stryker, est un athlète de l'équipe américaine de linge serré acrobatique. Mais en fait, ça, j'ai mélangé ça avec un autre film qu'on a vu dernièrement. C'est juste un étudiant qui étudie à San Elron. Et puis, ben, le kidnappage de l'ensemble semble viser à demander une rançon, mais c'est le but, c'est de détourner l'attention de la communauté internationale. Parce que le général Turner amène des silos à missiles nucléaires construits par des méchants soviétiques, là, tu sais. Vous voyez c'est quoi, là? C'est la BD Cochon 2, là. Ouais. Blaine va se mêler à la révolution et, appuyé par l'agent du CIA, Cameron Mitchell, va tuer un hostie de gros tas de gens qu'on connaîtra jamais. Ils sont majoritairement bronzés, c'est donc des droonies mercenaires, cette fois-ci, des droonies mercenaires, ouais, ouais. Des patentes à remarquer, souvent les gens découpaient le vide avant de lancer rien vers des droonies qui explosent. Ça, c'est spécial, là, tu sais, il y a des séquences vraiment, là. Une des bédaines pour rien, les plus bédaines pour rien de tous les temps. Et dans la séquence finale, remarquez la quantité de plans filmés par deux caméras et réutilisés dans d'autres séquences. Remarquez ensuite, à la fin, le héros qui, ben, comme je viens de dire, là, qui dit « Non, non, 3 minutes. Non, non, c'est impossible. Blabla, blabla. Non, non, on peut pas mettre 5. Non, non, non. Eh boy. Et on n'entendra plus jamais, bien sûr, parler du délai impossible qui vient de s'imposer pour savourer, au final, une des plus superbes séquences de fusillade finale ever. Vraiment, là, la séquence de fusillade de la fin du film de ce soir est fabuleuse. Blaine Stryker, seul au fond d'un silo à missiles, flinguant pêle-mêle des droonies scientifiques ou militaires ou mercenaires, vous allez sentir le moins 8,5 vous fister profondément. Ça va être fabuleux. Et ce soir, au brouhaha, après le long métrage, je suis très content d'offrir à ceux qui seront présents le long métrage, ben en fait, le moyen métrage qui s'appelle 42 visions binaires. Ah! Ouais, ouais, ouais, ça c'est assez particulier. Là-dessus, on va aller écouter une dernière toune pour débouler vers la fin de l'émission tranquillement. Ça va être quoi cette fois-là? Ça va être Scott Robertson. C'est Scott Robertson, When You Come Back to Me. Je sais plus c'est quoi ça. Ça a l'air assez bon en tout cas. Bon, ouais. On va l'écouter tout le monde ensemble. On est à 70% puis on vient faire autre chose. I'm not afraid to die. voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Anna Poin! Oui, alors on est de retour en nouvelles. Alors j'aimerais confirmer tout à l'heure, je sais pas si on est, nos micros étaient ouverts, mais on parlait des films qui s'appellent Saw, la série Saw. Mm-hmm. Alors il y a Saw 1 qui est sorti en 2004, Saw 2 qui est sorti en 2005, Saw 3 qui est sorti en 2006, Saw 4 qui est sorti en 2007, Saw 5 qui est sorti en 2008, Saw 6 qui est sorti en 2009 et Saw, non, Saw 3D de wow. Final Chapter qui est sorti en 2010. Le fil. Mais là, on est deux années, pas de ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était The Final Chapter. Le 3D. Que ça change. 3D The Final Chapter qui s'appelle. The Return of The Final Chapter. En tout cas, moi, j'ai déjà vu ça. Ouais, ben, comme, mettons, Jason. Jason, genre. Exemple, ouais, ouais. C'est ça. Fait que on va continuer avec des nouvelles pendant que Andy et Tommy essayent de régler des problèmes. Ouais, des problèmes. C'est juste pour te voir mieux. Ouais, c'est ça. Ah voilà. Alors les deux dernières petites nouvelles ici là, un quotidien australien gratuit a renommé la Corée du Nord et la Corée du Sud Corée vilaine et Corée gentille il y a quelques jours dans son compteur de médailles pour les Olympiques en cours. Naughty Korea. Lors de la publication des deux pays étaient l'un derrière l'autre rendant le contraste encore plus notable. Aucun commentaire d'aucun des deux pays n'a été recueilli par rapport à ça. Donc, on imagine qu'ils s'en crissent ou qu'ils lisent pas les journaux, les quotidiens gratuits australiens. Non, probablement pas. Ouais, t'as un peu, là, j'essaie de trouver ta photo, là. Ouais, c'est... Ben oui. C'est un quelque chose. Ouais, mais là... Ben, ouais, tu vois, je... Ouais, OK. Ouais, hein, ouais, on la voit-tu, là? Ben... Ton attitude là, parle-moi donc ton attitude encore un petit peu. Voilà. Alors okay, on voit la naughty Korea et la nice Korea. Ah ben oui. Ouais. Voilà. Naughty Korea. Agressant, c'est bon, ça, finalement. Ah ouais, c'est ça. Tu penses à ta prochaine? Ouais, je pense à ma dernière. Alors, celle-là, j'aimerais ça qu'on mette la photo tout de suite, en fait, avant que je commence la nouvelle, si ouais, possible. Je pense que je sais pourquoi. Es-tu capable de faire ouais, ça? Ouais, il n'y a pas de trouble, là. Je pourrais la switcher quand je veux, là. Non. Okay. OK. C'est bon. Tu peux la mettre quand tu veux, là. Ouais, ouais, OK. Ah, voilà. Palourde royale. Alors, après que des ingénieurs aient drainé un barrage hydroélectrique sur l'Amazon, ils sont tombés sur... cette nouvelle espèce animale. Pénis géant. Après une analyse biologique de l'espèce, on confirme qu'elle se rapproche plus de la grenouille ou de la salamandre malgré son apparence de serpent. Voilà. Bon, c'est pas c'est quoi qui est à côté. Eh ben. Voilà, c'était juste ça. Pour les fans de grenouilles, tu vas dire. Voilà, exactement. Hey, ce qui nous amène, merci beaucoup Bruno. À plaisir. Ça a été encore une fois très très éducatif. L'univers est un endroit rempli de gens qui font des affaires spéciales. Étienne, va donc patcher ça avec de l'audio magique. Ouais. Ben moi j'ai de l'audio magique de soundtrack, mais j'ai aussi mes trois pochettes LED de la semaine. Alors j'ai une petite thématique Noël du campeur, évidemment, pour aller avec mon sujet. Alors ici je vous montre l'album En avion de Céline et Guylaine, d'où est tirée la chanson Amusons-nous campeur, amusons-nous toujours, le beau temps du camping ne dure pas toujours. Donc voilà, on les voit ici qui prennent l'avion et ils ont des tailleurs très professionnels avec des bottes de cow-boy et ils font bye-bye à des gens. Puis ils se font aider dans l'avion, rentrer dans l'avion par le pilote qui tient la main de la première. Et la guitare. Et la guitare, voilà. Céline et Guylaine en avion. On prend une grande respiration, tout le monde. Mais ça prouve rien, là. C'est pas parce qu'ils sont à côté de l'avion qu'ils sont en avion. Contrairement à Pauline Marois qui était dans le métro. Dans le métro, ben oui. Puis Léo était là pour confirmer que c'était pas une réplique. C'est un vrai métro, là. Il y a un étudiant dedans. Donc ensuite, deuxième pochette, nous avons ici Joyeux Noël. Donc ça, cette belle pochette-là, on remarque le bronzage de la fille. On essaie de zoomer, voilà. C'est une statue, ça. Et le magnifique sapin décharné avec des boules dorées. Et on peut voir aussi, si on zoome comme il faut, je ne sais pas si ça va être visible ici, qu'on peut voir les bobettes de la fille. Mais là, c'est pas facile à voir là, pour dans notre t'es environnement. Marqué, aussi. Ils sont sur Internet, fait que des bobettes, ça devrait bien aller. Ah, t'es vrai, Andy, c'est bon. OK. Et voilà. On y est là. Et c'est pas tout, car la pochette s'ouvre pour nous donner une deuxième photo à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est tout chez vous, hein, on le rappelle. Oui. OK, c'est bon. C'est ça. Puis finalement, la dernière pochette qui m'a été fournie par Audrey Bluteau et Tommy Colin-Vallée. Et d'ailleurs, je vous oublie pas, je vais vous le remettre un jour, c'est promis. Nous avons ici le Noël Disco qui montre un Père Noël un peu vicieux à l'œil lubrique qui tient une genre de danseuse en maillot de bain serré sur un fond de sapin en super gros plan. C'est encore le contraste, hein? T'as le Père Noël habillé pour aller combattre le froid de l'hiver et l'autre qui aurait froid n'importe où. Oui, puis il faut regarder évidemment le regard du Père Noël pour comprendre tout ce qui se passe là-dedans. C'est encore plus... Il est encore plus creepy plus beau de l'autre bord. À l'extérieur, c'est-à-dire à l'endo. Alors voilà, hop, le voisin. Ouais, il se passe des choses dans sa tête à ce Père Noël. Ça me dérange pas, tu me touches pas, moi je te touche. Fait que Christmas Disco Party, attendez-vous à entendre ça pendant le temps des fêtes. Là. Mais je suis sûr que le contenu audio de cet album va être pas mal moins intéressant que sa pochette. Donc voilà, c'est ça qui est ça, c'était mon top 3. Ouais. C'est l'espèce de d'intro à notre ami Fred qui va nous amener au délicieux monde de notre ami le chaman. Je vais peut-être réussir à tomber sur l'affaire le bon bruit. Hein, faisant plusieurs. Lis-nous les chamans, man. Chaman indien. Chaman. Okay. Témoignage réel. Il est étonnant de voir le changement chez mon mari. Après m'avoir interdit d'être près de lui et de ne pas avoir de rapport intime depuis plus de 6 mois, maintenant il est de nouveau l'homme que j'ai rencontré et dont je suis tombée amoureuse. Merci, chaman! Chaman! Non, c'est pas celle-là. Mets l'image. On peut les voir, les images. C'est pas le son du chaman, ça. Parce qu'ils ont écrit « Chaman ». Chaman! Non, ça non plus. Zoom in dramatique. Chaman! Merci, chaman, d'avoir chaman. Fait les barrières qui détruisaient notre mariage. Check, descends un peu. En tout cas, chaman, voilà. On l'a dit. Chaman! 100% garanti. Chaman! Ne croyez pas aux sorcières, mais ils existent, sont la vérité. Témoignage réel. Nous étions une famille très heureuse jusqu'à ce que notre fils nous quitte et arrête de communiquer avec nous. Nous pensions l'avoir perdu pour toujours. Merci, Amazonienne. Chaman. Oui, mais ils ont écrit Amazonienne. De nous avoir ramené notre fils et d'avoir nettoyé notre maison d'un très mauvais démon qui l'a éloigné de nous. Ben oui. Et voilà. Nous sommes prêts à célébrer Noël en famille. Et voilà. Hein? Mmh. En ce jour du commencement. Je tiens à souligner qu'elle est apparue aujourd'hui, celle-là. Et nous en sommes extrêmement contents. De la famille Coffey. Voilà. Chaman. Chaman. Antoum. Antoum. Et lui. Problème technique! Problème! T'sais, c'est Top Gun? Danger Zone! Boom! Bon, on va avoir essayé. Je pense que c'est ça. C'est... boom, boom, boom, boom! Tranquillement, pas vite, c'est la fin, hein, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire? Non. Écoute, qu'il se teste pour toujours! Qu'ils aillent en paix. Ou qu'ils reviennent la semaine prochaine. Ouais. ben voilà, merci Étienne, merci Bruno, merci Fred, merci Andy, merci Célia, merci Noémie. Merci à tous les amis. Merci à Francis Lapanne de m'envoyer des liens à toutes les semaines de nouvelles. D'ailleurs, je le dis pas assez souvent. C'est ton équipe de recherchistes. Mon équipe de recherchistes. Et voilà. Donc, nous, on s'en va écouter au Brouhaha ou ailleurs au Québec. On s'en va écouter Rage to Kill, un film de 1987, c'est-à-dire 10 ans, si tu suis l'échelle de Star Wars. Après ça, ben, c'est quoi qu'on va faire? On va manger des ailes de canard, de la poutine. Là. C'est rendu un petit peu inutile, ce que je suis en train de raconter là. Fait que moi, je vous laisse aux mains de douteux.tv. On commence par Rage to Kill, puis après ça, il va se passer autre chose. Et voilà, c'est Célia. Elle vient de France, elle est un petit peu gênée. Merci de nous avoir suivis. Faites attention à vous. On est là la semaine prochaine pour un autre 70%. Vous pouvez aller voter au www.douteux.org pour savoir... déterminer quel sera le destin long métrage de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voter. Ça, c'est important.